je dois le faire, dans le sens de il faut que je le fasse. I have to do it. I have to do it. Ou bien I must do it. Very good. I must do it. Mais si on pose la question, qu'est-ce que je dois faire? En français, qu'est-ce que je dois faire? On ne demande pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? C'est une opinion que l'on demande, une décision que quelqu'un d'autre doit prendre, n'est-ce pas? On dit donc, what shall I do? What shall I do? What shall I do? Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller pour obtenir ça? Where shall I aller? Aller, c'est go. Yes. Pour obtenir. Pour avoir. To have. Yes. To have. That. That. Ou to get that. Get est un verbe qui exprime beaucoup de choses. Obtenir, recevoir, avoir. Where shall I go to get that? Trouver se dit... To find. To find. Je le trouve. I find it. I find it. Je me trouve. I find myself. C'est un verbe réfléchi. I find myself. Je me trouve. Je me trouve dans une situation, n'est-ce pas? Se dit I find myself. Ou, comment dit-on, je me vois? I see myself. I see myself. Nous nous trouvons. Donc, we find ourselves est le pluriel de myself. Mm-hmm. Myself, moi-même. Ourselves, nous-mêmes. Et puis c'est la même chose avec lui-même, himself, ou elle-même, herself. Donc, self, c'est le singulier, et le pluriel, c'est comment? C'est selves? Ourselves. Ourselves. Ourselves. Et c'est de là que vient self, self-service, tout self-service, exactement. Ça veut dire se servir soi-même. Voilà. Oh. Voilà, bravo Catherine, self-service. Donc, comment diriez-vous, vous vous trouvez? You will find yourself. You will find yourself. Yourself. You will find yourself. Il se trouve, donc il, him, se dit himself. Elle se trouve. She finds herself. Herself. Et eux, ils se trouvent. They. Non. Eux, dans ce cas-là, c'est. They. C'est them. Them. They find them. Selves. Bravo. They find themselves. Parce que c'est du pluriel. Alors, je me vois. I see myself. I see myself. Nous nous voyons. You see yourself. We see ourselves. C'est du pluriel. Hein? Ourselves. Ah. Ourselves. Ourselves. We see ourselves. Et eux, ils se voient. They see themselves. Right. They see themselves. Et ils se voient au singulier. He sees. Right. He sees himself. Pas tout à fait. He sees himself. Ah oui, évidemment, oui. C'est le singulier. Elle se voit. She sees herself. Right. She sees herself. Alors, pour un verbe réfléchi, par exemple, pour je me vois, me se dit comment? Myself. Myself. Je me, c'est I myself, n'est-ce pas? I see myself. Nous nous voyons? We see ourselves. Yes, ils se voient. They see themselves. Yes. Eux, ils se voient. They see themselves. Il se voit, lui. He sees himself. Non, him. Himself. Right. He sees himself. Elle se voit. She sees herself. She sees herself. On se voit. One sees oneself. One. One. C'est comme le on en français. Ça veut dire à la fois un et on. One sees oneself. Et pour it, on dit itself. Vous vous voyez? You see yourself. Right, you see yourself. Cette même forme, myself, yourself, ourselves, himself, herself, itself, oneself, themselves. Exprime aussi en anglais moi-même, toi-même, nous-mêmes, lui-même, elle-même, soi-même, eux-mêmes. Par exemple, si vous voulez dire « je le fais »,« I do it ».« Yes, I do it » ou bien « I am doing it ».« I am doing it », »,« je le fais moi-même ».« I'm doing it myself ». Right, « I'm doing it myself ». Yes, on emploie la même forme. « I'm doing it myself », moi-même. Alors, nous le faisons. We are doing it. Nous le faisons nous-mêmes. We are doing it ourselves. Yes, we are doing it ourselves. Vous le faites. You are doing it. You are doing it. Et vous le faites vous-même. You are doing it yourself. Right, you are doing it yourself. Pouvez-vous le faire vous-même? Can you doing it? No. Pouvez-vous le faire? Can you do it? Right. Vous-même? Yourself? Right. Can you do it yourself? Il le fait lui-même? He is doing it himself? Right. He is doing it himself. Elle le fait elle-même? She is doing it herself? Yes, she is doing it herself. On le fait soi-même? One doing it. One. Oui. On. One. One. Doing it. One doing it. Bon, il le fait. He is doing it. He is doing it, n'est-ce pas? One is doing it. Aha! One is doing it. Yes, one is doing it. Soi-même? Oneself? Right, one is doing it oneself. On ne peut pas le faire soi-même? One is... On ne peut pas. Is not. On peut. One can. On ne peut pas. One cannot. Yes. Alors, on ne peut pas le faire. One cannot do it. Soi-même. Oneself. Right. One cannot do it oneself. Ils le font eux-mêmes. They are doing it themselves. Right. They are doing it themselves.